rappelles-tu la chanson qui jouait en arrière-plan cette soirée-là au lounge, le panorama? Wall-to-wall carpeting. Là où les future lovers sortaient leurs pires pick-up lines. Le soleil était à peine couché que j'étais prête à le voir se lever. Donc je suis sortie prendre un petit verre et je t'ai vu là. Comme si on s'était donné rendez-vous, comme si on se connaissait déjà. Aller au canal La Chine ou la salle Bonaventure. Shall I call for a cab ou as-tu une voiture? Fully equipped with air conditioning. So you're from Buffalo, hmm? How do you like it here? Where am I from? Well, it's a quaint little city where nothing ever happens. I took the limousine to the YMCA. Ah, je m'appelle Jacqueline. But you can call me Jackie. Sur ton visage pendant que tu me racontes Ibiza. Montreal is 1 hour slower than New Brunswick. Une belle ivresse entre nos mondes dansants. Ça flirte quasiment la romance. En marche sans trop remarquer. Les vitrines, les vitrines, les vitrines, les vitrines. Go, going away to my bachelorette. No.

so the only thing to do was to drive up and watch the city from Observatory Crest. Bonsoir. Bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec. Ici Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Alors, vous avez entendu dans le premier bloc la pièce Observatory Crest de l'Américain Captain Beefheart et son Magic Band. C'est extrait de l'album Blue Jeans and Moon Beans, un album qui est paru en 1974. Ça a été précédé par la pièce Tonight du groupe américain Algebra Suicide, un duo originaire de Chicago, avec Lydia Tomkiv et Don Edeke. C'est extrait de l'album Feminine Squared, qui est paru en 1987. Ça a été précédé par la pièce What If, des Américains Bongwater, un duo composé de Kramer et Anne Magnusson. C'est extrait de l'album The Power of Pussy, qui est paru en 1991, et on a débuté le bloc avec Jacqueline du groupe Les Hey Babies. C'est extrait de l'album Boîte aux lettres, qui est paru en 2020. On poursuit avec Dan Hicks et ses Hot Licks. Thank you. reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, a light on your door to show that you're home. When you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, I see you. I'll be your mirror. I'll be your mirror. I'll be your mirror. I'll be your mirror. I'll be your mirror. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Alors, vous avez entendu dans ce dernier bloc Blue Flower du groupe américain Maisie Star. C'est extrait de leur premier album She Hangs Brightly, qui est paru en 1991. Ça a été précédé par la pièce I'll Be Your Mirror, une version alternative du groupe The Velvet Underground et Nico. C'est extrait de l'album de Velvet Underground et Nico dans l'édition du 42e anniversaire. Et on a débuté le bloc avec I Scare Myself de l'Américain Dan Hicks et ses Hot Licks. C'est extrait de son premier album Original Recordings qui est paru en 1969. Après la pause, The Stooges. So

Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans le dernier bloc les pièces Oulana Coulotte suivies de Decline and Fall du groupe irlandais Virgin Prunes. C'est extrait de leur premier album If I Die, I Die, un album qui est paru en 1982. Ça a été précédé par la pièce Anya Singyo du musicien et percussionniste japonais Midori Takada. C'est extrait de son album You Who Are Living to Nirvana, un album qui est paru plus tôt cette année. Ça a été précédé par Do You Believe in Two Gods du trio britannique The Utopia Strong. C'est extrait de l'album The Utopia Strong, un album paru en 2019. Juste avant, c'était The Pyre of Angus Was in Kathmandu de Tony Conrad avec le groupe Faust. Cet extrait de l'album Outside the Dream Syndicate, un album qui est paru en 1972. Tony Conrad, c'est un musicien et compositeur de musique d'avant-garde américain. Il est connu pour avoir fait partie dans les années 60 du groupe The Dream Syndicate aux côtés de John Cale, Angus MacLise, Lamonte Young et Marianne Zazila. La légende veut que Lou Reed avait trouvé un livre chez Tony Conrad qui donna le nom du groupe The Velvet Underground. Il est accompagné ici du groupe allemand de krautrock Faust. Ça a été précédé par Drift du musicien berlinois Yair Elazar Glottmann. C'est extrait de son album Étude, un album paru en 2015. Et on a débuté le bloc avec Anne du groupe The Stooges. C'est extrait de leur premier album The Stooges qui est paru en 1969. On enchaîne avec Robert Stevie Moore. I am secure with a bottle of beer. How dare you cry, angel gone, cheating lie, angel gone. When you have no one tomorrow, there'll be no kind hearts to borrow. You galley slaves stop growing, you don't know where you're going, but you go there all the time. You were an angel. Should we try, angel gone, crashing heaven one more time, angel gone, grab Gabriel's horn, start calling, all those angels who have fallen, playing Russian roulette with Satan. One was a man, two silhouettes on the sand. hearts all over my right shoulder, and I'll throw caution to the wind. Caution to the wind. Put some sugar on it, honey. Put some honey on it, sugar. I like it sweet, baby. I really do. CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans le dernier bloc Dirty City Rainy Day des Américains King Kong, cet extrait de l'album Funny Farm, un album paru en 1993. Ça a été précédé par Put Some Sugar On It des Américains Half Japanese, cet extrait de l'album The Band That Would Be King, un album paru en 1989. Ça a été précédé par Angel Gun du groupe américain Beat Happening, cet extrait de l'album Music to Climb the Apple Tree By, un album paru en 2003, et on a débuté le bloc avec Why Should I Love You de l'américain Robert Stevie Moore, cet extrait de son album Glad Music qui est paru en 1986. On enchaîne avec Björk. Thank you. a commencé dans l'eau salée. Tout a commencé dans l'eau salée. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans le dernier bloc L'eau du duo parisien Walter Astral, un duo composé des musiciens Tristan Thomas et Tony Galli. Cet extrait de Hyperdruide, un EP qui est paru un peu plus tôt cette année. Ça a été précédé par la pièce Abyssinie du parisien Flavien Berger, cet extrait de son album Léviathan qui est paru en 2015. Et on a débuté le bloc avec Submarine, la chanteuse islandaise Björk, cet extrait de son album Medulla, un album qui est paru en 2004. Après la pause, Piotr Kurek. Thank you. Thank you. Sunday, Sunday, Sunday, Sunday, Sunday, Sunday. C'est déjà tout pour l'émission Les Échangeurs d'air. Vous êtes ici en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Donc, vous avez entendu dans ce dernier bloc, c'est Notte in Logica, partie 1, du compositeur et pianiste italien Roberto Cacciapaglia. Cet extrait de l'album, c'est Notte in Logica, un album paru en 1979. et on a débuté le bloc avec la pièce La Combe du compositeur et musicien originaire de Varsovie en Pologne, Piotr Kurek. C'est extrait de son album Polygum, un album paru en 2019. Je vous rappelle que pour toute question sur notre choix musical, vous pouvez consulter notre blog dont le lien est disponible dans le site web de CKRL. Alors c'est tout pour les échangeurs d'art de ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine. Thank you.